ça vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonjour, vous êtes sur Radio Béton 93.6 pour une nouvelle émission de Vous êtes libre ce soir. Je suis en compagnie d'Emmanuel et de Pierre. Bonjour. Bonjour Mélissa. Et pour cette nouvelle émission, nous allons parler de Wikipédia. Alors je vous informe notre site web qui est le www.vlc.info. Bon, je te laisse parler Pierre. Donc je vais vous parler un peu de Wikipédia. Wikipédia, vous connaissez sûrement un petit peu, mais moi je vais quand même insister sur certains points qui sont pas toujours mis en avant. C'est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais insister un peu sur le multilingue. C'est un projet qui a vocation à être utilisé par le maximum de personnes, et leur politique c'est pas de dire on n'utilise que l'anglais en tant que langue internationale, mais on permet à chacun, qu'il parle anglais ou non, de contribuer à Wikipédia, de l'utiliser en traduisant dans le maximum de langues possibles, ce qui fait qu'on se retrouve avec Wikipédia qui est traduit dans environ 200 langues différentes. Alors là, ce que je vous ai expliqué, ça va aussi pour la notion d'universel, c'est-à-dire accessible vraiment à chacun, sans la contrainte de l'anglais parlé. Et librement diffusable, donc là on retombe sur les problèmes de licence libre qu'on a l'habitude de parler dans l'émission. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit des licences libres qui viennent d'informatique, Wikipédia, et chacun a le droit de prendre un texte et de le mettre dans un autre texte comme il le désire. Et justement, la licence utilisée pour les textes de Wikipédia, c'est une licence Creative Commons qui permet la réutilisation et la rediffusion. Et justement, depuis quand, enfin, à partir de quand elle a été créée, cette encyclopédie ? Alors, c'est quelque chose qui est plus si récent que ça. Ça a été créé en 2001. Donc, le projet a démarré en 2001. Par une association en fait qui s'appelle la Wikimedia Foundation, qui s'occupe surtout de Wikipédia, même s'il y a quelques projets annexes, on aura peut-être le temps d'en parler un petit peu. Et donc c'est une association à but non lucratif qui va essayer de promouvoir son outil et le savoir par internet. Alors pour continuer sur l'esprit universel, toute personne peut contribuer, peut modifier un article sans aucune censure entre guillemets. C'est-à-dire que une des politiques fondamentales de Wikipédia, c'est de permettre l'anonymat de la personne qui modifie. Elle a pas besoin d'être enregistrée. Pour moi, c'est un point qui est particulièrement important parce que ça permet d'éviter les contrôles et surtout d'éviter la lourdeur qui ferait que Wikipédia serait beaucoup moins utilisé parce que c'est compliqué, faut s'inscrire, faut être valide, etc., machin chose. Donc pour moi, c'est plus une qualité qu'un défaut, en fait. Sachant qu'il y a des contrôles quand même, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait un article complètement faux, chacun qui lit l'article est capable de réagir à cet article, de le critiquer et de demander à ce qu'il soit supprimé ou tout du moins modifié. Voilà. À chaque fois qu'il y a un ajout qui est fait sur Wikipédia, et cet ajout est notifié. Et il y a des gens dont le rôle c'est d'être administrateur. Alors administrateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils surveillent la modification. C'est pas forcément des gens qui écrivent plus d'articles que les autres, mais c'est des gens qui vont surveiller comment Wikipédia évolue et surtout cet aspect contenu. Mais normalement, ce sont pas des scientifiques ou qui notent ou qui contrôlent les articles? Non, en fait, il n'y a pas vraiment, contrairement aux autres encyclopédies, de validation par des experts dans Wikipédia. Par contre, n'importe quel contributeur peut être amené à donner son jugement sur un article. Mais après, quand on vérifie, quand on relit un article, ça se fait en large comité où il y a à la fois des experts du domaine et puis des gens qui sont pas spécialisés là-dedans. Mais il n'empêche que la dynamique collaborative mène quand même à avoir une bonne qualité. Donc justement, Wikipédia se doit d'être neutre. peux l'expliquer. La neutralité de Wikipédia, ça consiste sur un article où il peut y avoir plein d'avis divergents, à présenter les arguments de chacun, à expliquer pourquoi les uns pensent ceci, les autres pensent cela, mais sans jamais prendre de parti. Le fondateur de Wikipédia définit lui-même la neutralité par ce cas-là, en disant qu'il est lui-même partisan de l'économie libérale, mais sur un article parlant d'économie, il se défendra de dire que le libéralisme, c'est très bien, mais par contre, il présentera les avis des uns et des autres et dira pourquoi il pense cela. Alors, nous faisons une pause dans l'émission pour vous présenter le morceau de Kaiser Ega qui s'intitule « La lettre ». Papa, j'écris car toi tu parles pas. J'ai vu maman pleurer sur ta photo en criant par pas. Elle m'a dit que t'étais loin, parti pour longtemps, mais qu'il fallait pas que je croie que tu m'aimes plus pour autant. Je me demande quoi, mais j'essaye de garder le sourire. Maman s'isole, mais à table j'entends ses soupirs. Elle pleure souvent, et moi je me demande où t'es. Tu me laisses seul et ça, jamais je m'en serais douté. Il manque quelqu'un, il y a un vide dans la maison. J'ai le nez collé au carreau et je vois passer les saisons. C'est plus pareil, y a que maman qui me tient la main. Elle est triste et elle me fait moins de câlins. Elle m'a dit sois une grande fille et sois forte. Mais je suis petite et j'attends que tu pousses la porte. Elle m'a dit aussi que je comprendrai plus tard pourquoi quand tu reviendras t'auras sûrement du retard. Je me rappelle qu'un jour tu m'avais dit que rien ne remplacerait ta petite Amélie. J'espère que même loin tu le penses toujours, que tu m'oublies pas malgré ton petit séjour. J'espère que tu me raconteras ton long voyage et que tu me ramèneras des souvenirs dans tes bagages. Reviens vite. Maman a perdu le sourire, c'était mieux à trois et ça manque tous nos fous rires. Tu m'avais dit une fois que t'aimais maman très fort, que elle et moi on était des deux seuls trésors. J'ai des copines qui vivent seules avec leur maman, elles disent que c'est l'amour qui n'était plus comme avant. Il paraît que c'est pas marrant, j'attends que tu rentres. Des fois j'imagine le contraire et j'ai mal au ventre. Je fais des cauchemars et j'ai du mal à dormir. Des fois je t'appelle et tu viens pas donc c'est encore pire. Je sais que tu reviendras et quand j'en parle à maman, elle me dit que simplement t'attends le bon moment. Que t'avais des choses à faire avant de revenir. Elle a les yeux mouillés et je la vois bien se retenir. On dirait qu'elle t'attend plus. Vraiment fais vite, c'est peut-être parce qu'elle est grande et que moi encore toute petite. Ce soir, comme tous les autres, je t'ai attendu. Mais t'es pas rentré, le bruit de la porte s'est pas entendu. J'ai fini cette lettre, maintenant à toi de me répondre. J'espère que tu l'auras, même tout au bout du monde. Tu manques et j'ai tellement hâte que tu me dises pourquoi t'es parti d'un coup sans me faire une bise. Pourquoi tu nous as laissés, moi et maman. Elle aussi, elle préférait que ce soit comme avant. Dis maman, papa, il est dans quel pays? Elle a écrit sur l'enveloppe le mot paradis. Vous êtes à nouveau sur Vous êtes libre ce soir et le morceau que vous venez d'entendre, c'était Kaiser Aika, la lettre de la licence Creative Commons by NCND. Revenons sur le sujet, Wikipédia. Alors nous avons parlé de son principe de fonctionnement et à présent nous allons parler des divers participants qui peuvent exister. Je te laisse la parole. Eh bien oui, Wikipédia ne s'est pas écrite toute seule. Il y a, en tout cas dans la communauté française de Wikipédia, environ 5000 contributeurs réguliers, c'est-à-dire des gens qui écrivent sur Wikipédia au rythme de 5 modifications par mois. Et donc ces gens participent à différentes tâches, déjà l'écriture en elle-même des articles, leur correction, leur maintenance. Donc, quand on veut participer à Wikipédia, il y a bien sûr l'histoire d'écrire des articles, mais tout le monde n'est pas forcément motivé pour faire cela. Mais n'empêche qu'il y a des moyens assez simples de contribuer à l'encyclopédie. À votre avis, lesquels ? C'est une question difficile, ça. Je dirais traduire les textes qui sont en japonais sur les mangas. Aller d'accord. dans un article et puis faire modifier et puis essayer de reprendre les points qu'on a améliorés. Corriger oui. les fautes d'orthographe. Déjà, je félicite Mélissa pour une bonne idée qui est de traduire. C'est que même si on ne sait pas trop écrire des nouveaux textes, on peut aussi traduire des articles depuis des Wikipédia étrangères. En ce moment, il y a plusieurs centaines, voire milliers d'articles de la Wikipédia anglophone qui sont en train d'être traduits vers la Wikipédia francophone. Mais le fait de contribuer à Wikipédia, ça peut commencer simplement en corrigeant l'orthographe. Ça arrive parfois de trouver des fautes d'orthographe, c'est inadmissible bien sûr, mais on peut les corriger. Ce qui arrive aussi, c'est des paragraphes qui... ou des phrases qui sont plutôt mal formulées. Donc on va corriger le style du texte. On peut aussi corriger la mise en forme. Quand il y a un lien qui est mort ou des choses qui sont mal mises en page, on peut aussi s'en occuper. Et il me semble que tu nous as parlé d'un projet aussi. Alors ce projet, c'est le projet Logo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est exactement, à quoi ça sert, le rapport avec Wikipédia ? À l'intérieur de la communauté, il y a plusieurs petits projets qui consistent à améliorer des points particuliers de Wikipédia. Celui-ci consiste à ajouter des logos sur toutes les pages qui en ont besoin. Sur les pages des entreprises, sur des pages de marques, de produits et même de logiciels. C'est bien de pouvoir faire figurer le visuel correspondant. Il se trouve que, contrairement à l'encyclopédie libre, Wikipédia, eh bien, les logos sont sous des droits d'auteur. Mais en fait, la loi française et même américaine autorise un usage honnête des logos qui permet de les utiliser sur les pages qui caractérisent ces marques ou ces entreprises. Et donc, comment on peut aider Wikipédia ? Eh bien, il y a une très longue liste d'articles qui auraient besoin de logos. J'en ai dénombré au moins 5000, mais après, Wikipédia refuse d'en afficher plus. Ce qui peut être fait, tout simplement, c'est de consulter cette liste, de trouver sur Internet le logo de telle entreprise, telle marque, de l'importer sur Wikipédia, et ensuite de faire figurer ce logo sur la page correspondante. Sachant que, bien sûr, on a droit d'utiliser ce logo que sur la page de son article. Alors très bien donc pour le projet logo. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus marrante de l'émission. On va vous parler, mais vraiment en deux minutes, de la désencyclopédie. Alors la désencyclopédie, qu'est-ce que c'est ? C'est Wikipédia, mais avec plein de conneries dedans, en fait. Donc si vous en avez marre de faire des trucs sérieux, ou alors plutôt que d'aller dégrader une page Wikipédia, ben allez vous faire plaisir, vous éclater sur la page la désencyclopédie, qui est exactement la même mise en page et tout que Wikipédia, sauf qu'on met ce qu'on veut dedans, on peut se marrer, parler de Chuck Norris, de Kevin, ceux qui comprendront, de toutes les bêtises qui nous passent par la tête, voilà. Donc c'est assez sympa comme projet. Et l'adresse web de ce site, c'est desencyclopédies.wikia.com. Conclusion. Eh bien, je vous dis à bientôt, et puis pour une nouvelle émission, la semaine prochaine, sur Radio Béton 93.6. Merci, au revoir.